أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، على حسب ما يكون الشخص في دينه قويا متمكنا يزيد بلاؤه. قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يعني الذي يريد الله به خير يصيب منه، يبتليه تبعه، يكون مؤمن ويصبر ولا يعترض على الله، ويصبر احتسابا يعني محتسما لله تعالى، هنا عنده الثواب. إذن من الأنبياء أشد الناس بلاء، لكن بالطبع كما قلنا أنبياء لا تصيبهم الأمراض المنفرة، لا يبتليهم الله بشيء هو منفر للناس، لأن الله حكيم. Donc les prophètes, on a dit, sont les gens les plus éprouvés, mais ils n'ont pas les choses qui repoussent les gens, maladies repoussantes, mauvaises odeurs, ils n'ont pas ça. يعني تجوز فيهم الأمراض غير المنفرة. لا يجوز إنسان يقول ما يقوله التي هذه الأشياء تسمى إسرائيليات، يعني يقول الكفار يقولوا أنه أيوب خرج منه الدود وكذا، هذا لا يجوز، ليس فيه قرآن ولا حديث. قلنا القرآن الدين إما قال الله قال رسول الله، إذن السند من الدين، والدين له مرجعية هي القرآن والحديث. Donc bien sûr, il suffit pas de répéter des histoires qu'on entend à droite et à gauche. La religion, c'est ce qui est dans le Coran et dans le Hadith. Donc il n'est pas cité dans le Coran et dans le Hadith que Sayyidina Ayyub il aurait eu la lèpre ou des choses comme ça. لا يرد في القرآن ولا في الحديث أن سيدنا أيوب خرج منه الدود. إذن ما الذي ورد أنه مرض 18 سنة؟ هذا ورد. ورد أن إبليس هدم بيت أيوب، فقتل له أولاده 14، قتل له أولاده 14، ثم سلط عليه المرض 18 عاما حتى جفاه القريب والبعيد، ولم يطلب الشفاء طيلة هذه المدة. ما طلبش الشفاء 18 سنة، هذا ورد. أما يعني لم يرد هذه الأشياء التي يقولونها وهي مخالفة لتعاليم النبي، أن الأنبياء أجمل خلق. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. Donc il a été rapporté qu'il est tombé malade 18 ans, Sayyidina Ayyub. Que Iblis, il a cassé, il a détruit sa maison, il s'est tombé sur ses enfants, 14 enfants, ils sont morts. Et il est resté malade 18 ans. Mais il n'a pas été cité, ce qu'ils disent comme histoire erronée, ça c'est pas digne des prophètes. Et d'ailleurs, le prophète, il a dit que tous, ils ont un beau visage, une belle voix. إذا لم يطلب الشفاء سيدنا أيوب طيلة هذه المدة، ثم ذات يوم اثنان اثنان مر عليه، فقال أحدهم للآخر، يعني واحد يعني منهما وقع في الردة أنه قال هذا أيوب لولا أنه أذنب ذنبا ما أذنبه غيره ما ابتلاه الله بهذا البلاء. فسيدنا أيوب دعا الله أن يشفيه حتى الناس ما تقعش في هذه الأشياء، لأنه البلاء ليس فقط للذنب، كثيرا ما يكون البلاء للذنب لأكثر الناس، أما الصالحون يكون البلاء لرفع الدرجات، والأنبياء كذلك. فواحد هذا جاهل قال هذا الكلام، فسيدنا أيوب تأثر أنه ناس قد تقع في هذه المسائل التي فيها تكذيب الدين، فطلب الشفاء هنا، وقبل لم يطلب الشفاء. إذن الابتلاء، الله قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Donc l'épreuve, ce n'est pas seulement à cause du péché. Ça peut être à cause du péché pour beaucoup, la plupart des gens, à cause des péchés. Et pour les vertueux et les prophètes, c'est pour élever en degré. Donc alors, Saïdna Ayoub, il n'a pas demandé la guérison toute cette 18 ans. Mais un jour, il y avait deux gens qui sont passés à côté de chez lui. Et là, il a dit une chose qui ne se dit pas, qui n'est pas une des prophètes, qui a contredit la religion, qui a un démenti de la religion. Il a dit quelque chose qui est contraire à la religion. Il a dit, alors, Ayoub, il a dû faire un grave péché que personne d'autre n'a fait. C'est pour ça qu'il a eu cette épreuve. Et ça, c'est vraiment contraire à la religion. C'est un démenti de la religion. Parce qu'on a vu, l'épreuve, c'est ou à cause des péchés, c'est pour les gens, la plupart des gens, mais pour les gens vertueux et les prophètes, c'est pour élever en degré. Al-Rasoul, alayhi sallallahu alayhi sallam, yani, يعني مرة دخل الصحابة هو كان عنده الحمى، فكان يحس بالحمى من فوق اللحاف. تصور أنت عليك غطاء وتحط يديك تحس السخانة من فوق الغطاء. كان الصحابة يحس يعني يشعر بالحرارة من فوق الغطاء، يحسوا السخانة من فوق الغطاء. فالرسول ماذا قال لهم؟ قال نحن معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر. Une fois le prophète il avait la fièvre et le compagnon il sentait la chaleur par-dessus du drap. Imagine, t'as le drap et on sent la chaleur au-dessus du drap, c'est comme un chauffage. Et alors le prophète il leur a dit, nous les prophètes, l'épreuve elle est multipliée et la récompense elle est multipliée. Donc, à cause de ce qu'il a dit comme bêtise, là, l'un des gens qui sont passés à côté de Saïdna Ayoub, alors Saïdna Ayoub, ça l'a touché, le fait que les gens, ils s'égarent, ils ne comprennent pas. Et donc, il a demandé à Dieu la guérison. C'est là qu'il a demandé à Dieu la guérison. Et donc, « فَدَعَ اللَّهَ فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَيْهِ كَمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ أَنْ يَضْرِبَ الْأَرْضَ فَخَرَجَ لَهُ عَيْنَانِ مِنَ الْمَاءِ شرب من واحدة فشرب من واحدة فتعافى داخلا واغتسل من الأخرى فتعافى وعاد إليه شبابه فعاد إليه شبابه وأمطر الله على بيدر القمح ذهبا وعلى بيدر الشعير فضة. كان عنده هذا ما بيدر هو ما يجمعون فيه القمح، شيء يجمعون فيه الشعير، فأمطر يعني ذهب وفضة. الله قادر على كل شيء. Donc il a demandé à Dieu la guérison. Et ce qui est cité dans le Coran, Dieu lui a révélé de frapper avec son pied la terre. Et ça fait jaillir deux sources d'eau. Il s'est lavé avec une, enfin il a bu une, il s'est lavé avec l'autre et il a guéri. Et il est tombé comme pluie d'or, en fait. Donc il était rapporté, c'est une sauterelle d'or qui est tombée dans son en fait c'est une espèce de grand récipient dans lequel il rassemblait le blé et un autre pour l'orge. Dans chacun c'est de l'or qui est tombé et dans l'autre de l'argent. إذن وفي الحديث الصحيح إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم. وفي الحديث الصحيح أن إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. Dans le hadith sahih, l'immensité de la récompense, c'est avec l'immensité de l'épreuve. Et si Allah il agrée des gens, il les éprouve. إذا أحب قوما ابتلاهم. هنا يتكلم على ماذا؟ على المؤمنين بالطبع. أما الكافر الله قال فإن الله لا يحب الكافرين. يعني شفتوا يعني الحديث يفسر بمعنى يوافق الأحاديث والقرآن. لا يجوز يفسر حديث بمعنى يخالف آية قرآنية، ومن يفعل ذلك فهو جاهل. Donc bien sûr ici quand il dit s'il agrée des gens, il les éprouve, c'est-à-dire il parle des croyants ici. Il n'est pas permis que ce n'est pas acceptable que ce soit la signification d'un hadith contraire à la signification du verset du Coran, ni d'un autre hadith. Ça, c'est les ignorants qui tombent dans ça. Donc, ce qu'on a vu, le verset, Inna Allah la yuhibbu al-kafirin. La yuhibbu, c'est-à-dire Dieu n'agrée pas les mécréants. N'aime pas, c'est-à-dire n'agrée pas les mécréants. لأنه قد الكافر يبتلى ولكن الكافر ليس له ثواب ليس له ثواب لأنه يعني على أشد الذنوب وهو الكفر بالله تعالى ولو فعل حتى الحسنات ليس له ثواب مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. Donc bien sûr le mécréant, même s'il fait des œuvres de bien, c'est pas juste l'épreuve, même qu'il a l'épreuve, même s'il fait des œuvres de bien, il a pas de récompense, comme c'est dit dans le Coran, dans le sens, le verset qui signifie les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Allah Ta'ala, idhan, yaf'alu ma yasha wa yabtali bima man yasha. يقول العلماء كلام هكا تحفظ يقول له أن يؤلم الأطفال ووصفه بالظلم استحالة له أن يؤلم الأطفال ووصفه بالظلم استحالة هذا ما هذا موجود أليس رضيع يموت في الحرب ويموت طاح من فوق كذا سقط من أعلى له أن يؤلم الأطفال ووصفه بالظلم استحالة وما ربك بظلام من العبيد ليصف الله بالظلم كافر بالله. آخر آية نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام آخر كلمة نزلت على الرسول وهم لا يفهمون هذه آخر ما نزل على الرسول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون هذه آخر آية نزلت على الرسول ليس اليوم أتممت لكم اليوم أكملت لكم دينكم لا مش هذه الآية آخر آية نزل هذه معناها قواعد الدين تمت ثم نزل بعدها قرآن إذن أول آية اقرأ بسم ربك الذي خلق وآخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون شوف ختام النزول ب وهم لا يظلمون يجي واحد يناقش كيفاش وعلاش هذا لا يعترض على الله كافر هذا الله هو خلقك لله ما أعطى ولله ما أخذ هو أعطاك السمع والبصر والحياة والهواء وليس فرض عليه أن يعطيك ذلك. Donc bien sûr, Dieu, ils disent, ils savent une phrase en arabe un peu qui rime. Ils disent, il appartient à Dieu d'accorder la douleur aux enfants et le qualifier d'injustice est inconcevable. De qualifier la tribu de l'injustice est inconcevable. C'est-à-dire Dieu éprouve même des enfants, et des enfants ils meurent dans des guerres, dans des familles, ils n'ont pas fait de péché. Mais Dieu n'est pas injuste parce que tout lui appartient. Il crée la vie, la mort. Il crée toutes choses. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun. Allah vous a créé, et ce que vous faites. Attribuer à Dieu l'injustice, c'est de la mécréance. Et on a dit, dans plusieurs versets, Dieu nie l'injustice à son sujet. Et notamment, dans le dernier verset révélé au prophète, la fin du verset, « Wahum la yuzlamun ». Dernier mot, « Wahum la yuzlamun ». Ils ne subissent pas d'injustice. C'est-à-dire, Dieu n'est pas injuste. Ça, c'est le dernier mot. « Wahum la yuzlamun ». Premier verset, « Iqra ». ربك الذي خلق اقرا باسم ربك الذي خلق dernier verset واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Mais quant au verset, alors اليوم اكملت لكم دينكم, ici c'est pas le dernier verset, ça a été révélé d'autres versets après lui, mais ça veut dire les règles de la religion ont été achevées, قواعد الدين يعني تمت. Donc les règles de la religion ont été achevées. C'est ça que ça veut dire le Al-Yawm atmamtu lakum dinakum. Wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Donc l'injustice est impossible. Comme il a dit le prophète, alayhi salatu wa salam, appartient à Dieu ce qu'il a pris, à lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadha. Appartient à Dieu ce qu'il a donné et appartient à Dieu ce qu'il a pris. Appartient à Dieu ce qu'il a donné, Dieu t'a donné la vue, il peut t'en enlever. T'as donné la respiration, t'as donné le cœur. C'est-à-dire, si vous essayez de dénombrer les bienfaits que Dieu vous a accordés, vous n'arriverez pas. Dieu t'a accordé les doigts, etc. Il peut enlever ce qu'il a donné, tout lui appartient. Il t'a donné l'enfant, il t'a donné ceci, cela, l'argent, la voiture, il peut enlever. Il donne et il enlève. Lillahi ma'ata wa lillahi ma'akhad. هكا علم الرسول هذا قاله عندما توفي ولد بنته ابن لابنته قالوا قولوا لها لله ما اعطى ولله ما اخذ. Il a dit ça le prophète quand un enfant de sa fille, un petit fils, l'enfant de sa fille, il est décédé. Il a dit, dites lui appartient à Dieu ce qu'il a donné et appartient à Dieu ce qu'il a pris. Il faut se remémorer de ça. Dieu t'a donné, il peut t'enlever. Tout. Tout l'univers, il appartient à Dieu. Donc ceux qui discutent pourquoi ceci, cela, ils n'ont rien compris. Les gens disent, ah, pourquoi la guerre, pourquoi la famine? Dieu fait ce qu'il veut, il éprouve pas ce qu'il veut. Je ne veux pas dire pourquoi à Dieu. S'opposer à Dieu, bien sûr, c'est de la mécréance. الذي يعترض على الله تعالى هذا كافر ليس مسلم بالطبع. إذن عليه أن يتشهد طبعا. إذا واحد اعترض فعل قد يحصل, واحد كان بالغ لكن صغير في 11 سنة وكان بالغ, فما الناس 11 سنة يوجد الناس 11 سنة يكون بالغ, كان يعترض كان يسب ولا كذا, هذا كل تعلم مثال بعد 20 سنة تعلم ثم درس ردة عليه, كل فترة هذه ما كانش مسلم, عليه أن يتشهد حتى يدخل الإسلام, لأن الملائكة تكتمل البلوغ. فلهذا إذا شك قال ربما أنا وقعت في هذا قبل, وجب عليه أن يتشهد احتياطا لاحتمال حصول الكفر منه حتى يتبرأ من هذا إن كان حصل منه, وهذا واجب بالإجماع, حتى لا يكون راضيا له بالبقاء على الكفر في صورة حصل منه. إذا إنسان شك هل حصل منه كفر أم لا, وجب التشهد حتى بالإجماع, لأنه هناك احتمال. وبما أن القاعدة الشرعية تقول لا يجوز في الإيمان لا يجوز الشك, حتى لا يبقى على الشك وجب التشهد فورا احتياطا, وحتى لا يكون رضي بالكفر, قاعدتان استنتجوا منهم علماء أنه واجب تشهد الاحتياط إن كان ليس مجرد وسواس يكره الوسواس الخاطر يكرهه، إنما نتكلم عن شك حقيقي احتملها الحصل منه الكفر أم لا، واجب تشهد الاحتياط للقواعد الشرعية المذكورة. Donc bien sûr si quelqu'un il était jeune, il était pubère, mais il a fait ces choses-là, il a essayé d'opposer Dieu, il a insulté Dieu, des choses comme ça, où il s'est dit non, où il s'est dit non musulman, il a fait une des choses qui annule l'islam, il doit dire les deux témoignages pour revenir à l'islam. Et s'il dit, il suppose avoir fait ou non, même s'il a pris après 20 ans toute cette période, il n'était pas sur l'islam. Et s'il a, il s'est dit, peut-être, je suis tombé ou non, il doit dire par précaution. Pourquoi ? Parce que il suppose être tombé ou non dans la mécréance. Et là, c'est unanime chez les savants que s'il doute avoir fait ou non la mécréance, il doit être témoignage par précaution. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux règles religieuses qui disent qu'il ne faut pas être dans le doute sur la foi. Donc, du moment qu'il a, il doute avoir fait ou non, il doit immédiatement dire par précaution. Et il ne faut pas approuver la mécréance. Parce que s'il ne fait pas les deux témoignages par précaution, il aurait approuvé le cas de mécréance ou cas dans la situation, la supposition qu'il serait tombé dedans. Ces deux règles religieuses qu'il ne faut pas le doute dans la religion et qu'il ne faut pas approuver la mécréance, ils ont déduit clair et catégoriquement que si quelqu'un suppose avoir fait ou non la mécréance, il doit dire par précaution les deux témoignages. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Il n'est de Dieu que Allah, Muhammad est le messager de Allah. Wa hadha mazkour yani 'inda al-'ulama mithl an-Nawawi fi kitab Rawd al-Talibin, Qadi 'Iyad wa ghayrihum. Donc ceci cité sur qu'il faut revenir à l'islam suite à l'apostasie par les deux témoignages chez dans Rawd al-Talibin de an-Nawawi par exemple et d'autres savants qui citent cela comme Qadi 'Iyad ou autres. إذن ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طه الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الحمد لله رب العالمين.